une galère après l'autre. Rame, ma fille, rame. Sitôt les Texans évacués, c'est au tour des parents de Faustine de tirer le signal d'alarme. La barge coule sur le lac majeur. Comprendre par là qu'ils ont remis les deux magasins de Lugano avec perte et fracas, puis déménagé à Lausanne, juste en dessous de la cathédrale. Papa a encore 3 ans à tirer avant la retraite, maman 16. Elle s'est inscrite au chômage, mais il faut patienter 2 mois avant que les indemnités tombent, et l'argent a fondu. Il ne reste presque plus rien pour le loyer et la nourriture. Faustine écrit à Maxime, paniquée. Elle va devoir soit rejoindre ses parents et trouver un emploi à Lausanne pour les aider, soit les faire venir chez eux, aux USA. Maxime saute sur le téléphone. « Il n'en est pas question! Tu rentres ici dès que tu as reçu tes papiers. On a été assez séparés et je ne veux pas des Muller chez moi et je refuse qu'ils te gardent en otage. Si tes parents ont besoin d'aide, je leur enverrai de l'argent. » Plusieurs allers-retours téléphoniques sont nécessaires pour se mettre d'accord sur le chiffre de 5000 francs suisses. Ceux-là même que Maxime a péniblement économisé et déposé dans une banque du pays. Ouf, les parents sont en sécurité. Faustine conserve sa liberté, mais sans doute humiliée d'avoir dû en passer par là, la reine-mère ne rate pas une occasion d'être sarcastique. Bien sûr qu'il nous a rendu service, mais tu sais, dans certains pays, les filles, on les achète pour bien plus que ça. 5000 balles, c'est toujours pas autant que 3 chameaux. Un autre jour. Tu sais, quand il t'a enlevé, on a eu un sacré manque à gagner. C'est ta faute, tout ça. Alors c'est normal qu'il compense. Et ainsi de suite. Faustine se sent de nouveau comme une marchandise. Parfois, elle sourit intérieurement, en se disant qu'après tout, peu d'humains peuvent se targuer de valoir 5000 francs dans un monde où le prix de la vie, en général, est considéré comme « peanuts ». Cacahuète. D'autres fois, elle a honte de la mentalité de ses parents et de ce prétendu humour balois dont sa mère s'enorgueillit. Elle se le tient pour dit cependant, et jamais elle ne répète ses persiflages douteuses à Maxime. La mission chez Exxon S.A. terminée, Sylvie envoie Faustine chez Sumitomo France. Commerce de gros, 6 sur les Champs-Élysées. Ah, flûte alors, encore défriquée. T'es au courant que les sandwichs coûtent un bras dans ces coins-là? Désolée, Mastine, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Essaye le McDo des Champs, paraît qu'il est correct. Sauf qu'il est 2 fois plus cher. Tant pis, je prendrai ce qu'il faut depuis chez moi. Ce n'est pas tant le fait de cantiner qui est dérangeant. C'est juste que cela prive Faustine de distraction pendant sa pause. S'installer une demi-heure sur une terrasse en plein soleil, surtout en été, rend les journées de travail bien plus agréables, non? Enfin, on ne choisit pas toujours. Quand Faustine se présente, lundi matin, elle est accueillie par un jeune Asiatique d'une politesse exquise. Il lui désigne sa place, en face d'une jolie blonde prénommée Alice. Cette dernière détaille à Faustine les divers bordereaux qu'elle est censée remplir pour dédouaner les marchandises importées par la société. Ils sont tous plus compliqués les uns que les autres. Elle n'a pas encore compris le quart de la moitié du premier que le jeune homme revient et lui demande de le suivre. Faustine accompagne l'homme jusqu'à une double porte au bout d'un long couloir. Là, il lui fait signe d'entrer, seul. Faustine pousse la lourde porte et se retrouve en Chine. La jeune femme avance entre 2 rangées de paravents laqués, au dessin, fleurs, oiseaux, cascades dans un foisonnement de couleurs et dorures merveilleux. De lourdes tentures confinent l'atmosphère, emprisonnant les volutes des bâtons d'encens qui brûlent sur plusieurs petits autels. Des photographies en noir et blanc décorent les murs. Droit devant, un Chinois d'âge respectable est assis derrière un large bureau laqué de noir. À ses côtés, un homme, asiatique lui aussi, prend des notes. Le vieillard est vêtu d'un superbe kimono brodé et d'un chapeau traditionnel en soie. Le secrétaire vient à la rencontre de Faustine, lui fait signe de s'approcher. Elle obéit. Le patriarche la regarde de bas en haut, hoche la tête, puis la renvoie d'un geste de la main. Pas un mot n'a été prononcé. Faustine repasse par le couloir. Elle rejoint sa place dans un silence de plomb. À midi, elle n'a pas le temps de déballer son sandwich qu'Alice lui propose de l'accompagner. Il y a un petit restaurant asiatique à deux pas où elle a ses habitudes et ce n'est pas cher du tout. Alice initie Faustine à un cocktail contenant de la liqueur de litchi. On est loin des bons jus de fruits de Singapour, mais ça se laisse boire sans soif. Une fois, deux fois, trois fois, les deux femmes discutent tant et plus à langue déliée. Alice a vécu la même expérience que Faustine quand elle a été engagée. Bien qu'impressionnée, tout comme son amie, elle ne s'en est pas formalisée, trouvant la chose plutôt exotique. Bien vite, elle en vient au sujet qui l'intéresse, son amant du moment, et la destination de leurs vacances au mois de septembre, quand la secrétaire que Faustine remplace sera rentrée. Il est 15 heures quand elles regagnent leur travail. Pendant le déjeuner, Faustine s'est étonnée à plusieurs reprises de ses libertés. Alice lui a répondu que personne ne les surveillait et du moment que le travail est fait correctement, personne ne dira rien. C'est bien joli tout ça, mais à force d'aller au restaurant, même s'ils ne sont pas chers, à force de rapporter des cadeaux coûteux à sa logeuse pour payer son loyer, à force d'aider les autres avec des 50 francs ici ou là, Faustine finit par être à sec. Alors, quand elle va chercher son chèque, vendredi soir, elle demande à Sylvie si elle n'aurait pas un petit boulot complémentaire pour ce week-end. « Oui, j'ai quelque chose, un dépannage qui vient de tomber, mais je suis pas sûre que ça te plaira. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Il s'agit d'aller faire la vaisselle aux galeries Lafayette. »« Voilà qui est rigolo, une nouvelle aventure. » Je te préviens, tout de suite, c'est dur et très mal payé. Je m'en doute pour ce genre de boulot, mais ça sera toujours autant de prix. J'ai souvent rêvé de voir l'envers du décor de ces grands magasins. Ah, tu crois pas que ce sera l'enfer du décor, plutôt? Ben, pour le savoir, faut aller voir. Et le samedi matin, Faustine se présente à l'entrée du service des bien nommées Galeries Farfouillette. Elle a emporté un tablier, des baskets, des gants. On lui donne un bonnet de protection. Il s'agit de prendre la vaisselle sur le tapis roulant et de la placer dans des paniers. Plus loin, une autre esclave dispose les paniers dans les machines. Certaines pièces sont si sales qu'il faut les rincer d'abord à la plonge en faisant un demi-tour sur la droite. Ici, Faustine est la seule blanche. Cela fait immédiatement vibrer chez elle une corde de solidarité. Elle est heureuse de pouvoir compenser, réparer même, vis-à-vis de l'Afrique, de la Tunisie, de l'Algérie, les dommages causés par des siècles de colonialisme et d'injustices diverses. Et bien entendu qu'elle va y arriver, elle toute seule. La pauvre idiote. Loin de ses considérations, la chef, tout au bout, là-bas, gueule tout ce qu'elle peut. « Allez les filles, plus vite, avancez, on se bouge !» « Qu'est-ce que tu fous, toi, la nouvelle à rêvasser? Tu vois pas toute la vaisselle devant toi? T'attends quoi pour t'y mettre ?» Et Faustine de galoper, de courir dans tous les sens, d'être partout à la fois et de tirer la langue. Il fait chaud, elle transpire, de l'eau lui coule dans les yeux, la vapeur la brûle, les gants la gênent, ses jambes fatiguent. Bientôt, les clients ont fini leur repas, et la vaisselle s'empile encore et toujours, ça n'en finit pas. Les verres ici, les couverts là, les assiettes plus loin, et rincer, et poser, et pousser, et porter. Dans le lointain, elle perçoit des fenêtres ouvertes ou fermées. Impossible de discerner si elles sont nombreuses à travailler ainsi d'arrache-pied. La cadence est si rapide, si impitoyable, qu'à certains moments, elle en pleurerait de fatigue. Et puis, elle ne comprend pas non plus pourquoi l'autre n'arrête pas de déverser sa rage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, quand on est tous dans la même galère, de se tirer dans les pattes en plus? On ne pourrait pas être solidaire, un peu, entre femmes? Non? Non. Elle n'en saura pas plus. Enfin, l'épreuve s'achève. Faustine file au vestiaire, se change, fit ça. Il va lui falloir des heures pour se débarrasser de l'épouvantable odeur. Elle ne dit même pas au revoir et prend la porte. Le responsable l'arrête au passage. « Tu bosses fort, toi !» Comment il a vu ça, lui ?« Tu reviens lundi !» Non, merci, non, non, non, sans façon, hein. Bye bye. Faustine sort du purgatoire, respire un bon coup. Elle se trouve au même étage que la cafétéria, dont elle avise soudain tous les présentoirs, déjà approvisionnés pour le goûter. Ces beaux gâteaux, comme ils font envie. Elle a faim, elle a soif. Elle remplit son plateau, s'assied dans un coin et dévore la moitié de ce qu'elle vient de gagner. Ce côté du décor est nettement plus sympa, finalement. Rue de Longchamp, une lettre de Maxime attend la jeune femme. Il écrit depuis Cannes où il est passé prendre ses filles. Il les emmène en vacances à l'île d'Oléron. Il raconte qu'il leur a remis les kimonos achetés par Faustine à Singapour. Elles en ont été enchantées. Il a déjà donné le foulard Hermès à sa mère la dernière fois qu'il est allé la voir. Elle l'aime beaucoup. Est-elle dupe? Se demande Faustine. Pense-t-elle que c'est son égoïste de fils qui le lui a choisi? Mystère. Maxime lui annonce encore qu'aux USA, la juriste de la société tient le bon bout pour l'obtention de sa carte verte. Il espère que de son côté, Faustine va bientôt recevoir ses propres papiers de légitimité français et que fin août, ils pourront rentrer ensemble comme prévu. Il a entendu parler de la bombe dans le restaurant Goldenberg rue des Rosiers. Il veut que sa chérie fasse très attention à elle, qu'elle rase les murs, qu'elle ne se mêle pas à la foule, mais qu'elle ne reste pas seule non plus. Avec tous ces actes de violence, la France vit des heures difficiles. Vivement qu'il rentre aux US. Il revient sur ce film Missing de Costa-Gavras qu'ils ont vu quelques semaines plus tôt. Il qualifie les larmes de Faustine d'hypocrites. Il prétend que ce film est pure propagande dans un contexte où la Grande Amérique s'apprête de nouveau à exercer son hégémonie. Il n'a sans doute pas tort, mais qu'est-ce qu'elle en sait, Faustine, de tout cela? Elle, elle a juste pleuré parce qu'elle s'est mise à la place de l'actrice, Sissi Spacek, dont on a assassiné l'amoureux. Maxime demande également à Faustine, lorsqu'elle retournera voir ses parents, de leur donner tout leur argent français. Le dollar a encore pris de la valeur. Lui-même a vendu ses francs au prix fort. Lundi matin, Faustine rempile pour une semaine chez Sumitomo. Elle se passe aussi bien que la première. Travaille le matin, déjeuner de 13h à 15h, rebelote jusqu'à 19h. Elle remplit des centaines de bordereaux. Si elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie, désormais, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Le jour de son départ, on revient la chercher pour présenter ses respects à Puy dernier empereur, comme elle le surnomme depuis sa première visite. En passant devant les autels, elle est tentée de souffler sur les bougies et de faire un vœu.